Eh bien oui, vous êtes bien dans le dîner de cons et cette petite musique va bientôt être associée dans votre cerveau à du bonheur. Ben oui, on s'en va parler avec Alex Dorval du Temps d'une pinte, nos généreux commanditaires. Salut Alex. Salut, ça va? Ben oui, toi? Ah ouais, super. Toujours content de te voir arriver. Ouais, t'arrives c'est ça, avec plein d'affaires. Moi, j'arrive avec la bière, hein. On est toujours bien accueillis dans ce temps-là. Tout le temps, ça... Tout le temps, le bienvenu quand quelqu'un... Ça me fait penser... J'ai écouté, je sais pas si t'as vu, ça n'a pas rapport, là, mais Bruno Blanchette, là, les vacances de M. Bruno, il se promène à travers le monde, puis à un moment donné, il rentre dans un village, puis pour aller tourner, il faut qu'il parle avec le chef du village, puis là, il dit, faudrait y amener des cadeaux, puis il dit, quoi? Il n'y a rien dans le village, il n'y a même pas d'eau, il n'y a même pas un puits. Le gars, il dit, bon, puis il amène une dizaine de bières. Fait qu'il amène au chef du village de la bière. Man, ils ont été reçus comme des rois. C'est universel. Exactement. Donc, salut Alex, ça va? Puis de quoi on parle aujourd'hui? Sûrement de bière? Ben oui, je sais, puis comme que je sais que t'as soif d'apprendre, je nous ai tout de suite servi la Rochdale. La Rochdale, c'est une mild. OK. Donc, une mild, une petite bière rousse anglaise, très savoureuse. C'est un style qu'on voit très rarement. Moi, je connaissais pas l'appellation. Là. Ouais. Puis, moi, j'ai même dit une mild. C'est quasiment une milf. Une mild. Ça pourrait être vu de même. Mais mild, c'est-tu médium? C'est un peu pour ça, là, le côté, tu sais, comme la traduction du mot. Là. Je dois t'avouer que l'origine du mot mild, précisément, je sais pas, ça se pourrait très bien que ça vienne du middle, parce que les autres, il y avait beaucoup d'appellations qui allaient sur des entire, okay. des light, des... Il allait beaucoup justement par la moitié, comme on a les doubles, les triples, okay. les simples dans la bière belge. Fait que ça okay. se pourrait très bien que ça vienne de là. Je te fais déguster la mild de la Rochdale qu'on a brassée le temps d'une pinte avec à l'affût la Barberie et la micro de Bellechasse. Donc, c'est une bière qu'on a brassée en collaboration avec toutes les microbrasseries coopératives qui font partie de la table des coops. Puis, on a brassé ça dernièrement. On a fait un lancement pour l'image des brasseries coop. Puis, lors du gala des coopératives en octobre. Puis, cette bière-là, nous autres, on a décidé de la brasser parce que c'est une bière qui s'adresse aux travailleurs. Parce okay. qu'à l'origine, les travailleurs en Angleterre buvaient des petites bières, mais très savoureuses, pour être capable de retourner au travail. Puis, suite à leur travail, être capable de retourner à la maison chez eux sans non plus marcher en diagonale. Exact. Fait que ce qui nous introduit le topo d'aujourd'hui, c'est les session beers. Ce qu'on dit des session beers, donc des bières de session, c'est pas un style à proprement dit, les sessions. C'est un. C'est plus un moment que les Anglais prenaient pour s'asseoir puis boire une bière qui était dite légère en alcool, mais très savoureuse. Donc, eux autres, ils lésinaient pas sur les saveurs. Donc, on parle pas d'une light ou d'une, okay. de ce qu'on entend. Non, parce que ça goûte quelque chose. C'est ça, le but, c'est que ça goûte quelque chose. Puis, les Session Ale, c'est de quoi qui est de plus en plus tendance chez les brasseurs au Québec. Ça s'en vient. Là, on a vu beaucoup des bières fortes, comme on parlait la semaine passée, conditionnées. Moi, je prédis que l'été prochain, vous allez voir des Berliner Weiss, des Mild, des bières, des Ghosts. On commence déjà à voir des saisons, mais à l'ancienne, qu'on appelait plus des grissettes, donc des petites bières de fermiers en Belgique. À 3,8%. Ben, comme les bières, c'est ça qu'on prenait à l'époque. Là, c'était des bières, même ici, c'était des bières qui n'étaient pas fortes à la base. C'était ça, des 3-4% maximum. Oui, historiquement, il y a eu aussi des bières fortes, mais il y a eu beaucoup de mouvements de tempérance qui ont fait en sorte qu'il y avait soit l'Église qui s'y mêlait ou le politique, ou bien même carrément juste les commerçants qui avaient un intérêt à vendre des bières moins fortes en alcool parce qu'il y avait... un coût un peu moins élevé pour certaines bières. Mais c'est pas peut-être en vendre plus à la quantité c'est aussi. C'est surtout pour ça aussi, tu vas en vendre plus parce que les gens ont conscience que c'est moins fort, donc c'est plus responsable, mais en même temps, ils peuvent s'accrocher les pieds tout un après-midi puis repartir correct machin. Hey, mais juste question comme ça, quand vous êtes, mettons, avec votre coop, là, ça a été tourné où finalement? Vous l'avez brassé où cette bière-là au bout du compte? Cette bière-là a été brassée à l'affût à Saint-Tite. OK. Donc c'est pour ça que c'est mis en canette aussi. Ouais, c'est ça, c'est leur genre, c'est leur style. Ouais, ouais. Excellent. Puis on l'a mis en canette aussi parce que les session beers traditionnellement étaient servis en casque. Donc le casque, c'est la méthode ancienne de service. On voit souvent, nous, on perce à tous les jeudis au temps d'une pinte un casque, si vous voulez voir c'est quoi. Oui, c'est quoi, c'est ça. Dans le fond, c'est du service par gravité. Okay. On perce le casque. Dans le casque, il y a de la bière qui a soit été mise là après la fermentation ou qui a été refermentée en casque. Donc, on a un produit qui va être moins effervescent parce que toutes les bulles vont être naturelles dues à la fermentation. Il n'y a pas de recarbonatation par la suite. Donc, quand on a moins de gaz, c'est peut-être moins d'ester, moins d'arômes qui vont soulever de la bière. Par contre, les saveurs de la céréale et du houblon sont beaucoup plus prenantes. Donc, quand on va boire la bière, tu vas voir qu'on a une bière qui sent un peu le caramel parce qu'il y a du grain torréfié. Mais quand on va la boire, on va avoir beaucoup d'arômes de saveurs dues au houblon et à la céréale. On va voir que ça amène un côté sèche. Donc, c'est pas si sucré que ça. Ça va être plus abricot avec sucre d'orge en même temps. OK. On va goûter, voir. Ouais. À la tienne. À la tienne. Oui, vraiment. Un petit côté, c'est facile à boire, ouais, ça, c'est sûr. C'est très, très savoureux. On le sent très bien, le côté torréfié, comme tu disais. Puis, mais là, avec ça, c'est quoi? Comment je pourrais dire? Ce qui te donne tes saveurs d'abricot, là, c'est ton houblon là, qui te donne ça. Il va y avoir le houblon, puis il va y avoir la céréale aussi, okay. Selon les types de malt de spécialité qu'on choisit. D'ailleurs, si on veut... Il y a un mythe qui est associé aux bières faibles en alcool, c'est-à-dire qu'ils sont moins savoureuses. Mm-hmm. Parce que le point que je veux amener aujourd'hui, c'est de dire c'est quoi une session beer? Parce que les gens vont dire ben là, j'en bois de la petite Molson que je peux boire toute la journée, puis j'appelle pas ça une bière de session. Donc c'est un terme commercial. C'est devenu un terme commercial dans le sens que même les microbrasseries, c'est un peu partout à travers l'Amérique, ont un peu dénaturé l'idée que c'est une bière anglaise, comme une mild ou un porter ou une bitter. Ils vont avec une autre bière comme celle qu'on va boire tantôt, la Session IPA du Castor, donc à Rio. À Rio. Rio, c'est un peu plus chaud. Ouais, c'est un peu plus chaud. À Rio, je me trompe. Donc, on va y aller avec ça, puis on va voir que pour certains, ça serait pas une session ale, mais aujourd'hui, l'interprétation, c'est de dire on a une bière faible en alcool, mais savoureuse. Donc, qu'est-ce qui crée la saveur dans la bière? C'est pas l'alcool. C'est ça qui est le point. Qu'on veut emmener aujourd'hui, c'est que si vous voulez, si vous buvez pour vous saouler, vous allez aller vers la BAT 10%. Ouais. Si vous... Des bouteilles transparentes, ouais, grosses de même. Là. Mais si vous buvez pour la saveur, ben, vous voulez passer un dimanche après-midi. Moi, c'est ma bière du dimanche après-midi. Je veux pas être magané pour le lundi matin, mais je veux aller m'accrocher les pieds d'un bar, jaser avec le monde. Puis boire 4-5 pintes, puis être capable de repartir après le souper. Là, pas nécessairement dormir à 6 heures, genre. Non, c'est sûr. puis je vous conseillerais tantôt 4-5 places qu'on peut aller au Québec, puis ils ont des sessions L vraiment écœurantes. Les méthodes de. Ce qui apporte la saveur dans la bière, finalement, c'est quoi? C'est les sucres. Okay. C'est les sucres qu'on met. Les sucres vont servir à la fermentation qui va donner de l'alcool, mais il y a aussi des sucres. Qui sont non fermentescibles, ça veut dire qu'ils ne fermenteront pas, puis qui vont donner de la saveur. Okay. Donc, ça peut être des sucres qui proviennent de la céréale même au moment du brassage, ou ça peut être des sucres ajoutés comme du sucre candy, du lactose, du fructose, un sucre maison. Il y a des brasseurs anglais qui faisaient ça, ou des brasseurs belges font leur petit sucre maison avec des raisins, avec des pommes, avec ce qu'ils veulent. Ils l'épicent s'il faut. Puis c'est jamais dit, c'est comme c'est le secret son, du brasseur, recette, ouais. C'est son petit sucre. Puis d'autres choses qui vont donner des saveurs, ben c'est les levures. Donc si j'utilise une levure belge qui goûte épicée, si je fais une bière forte, il va falloir que je mette plus d'épices pour qu'on la sente. Mais si je fais une petite bière et que je mets une levure belge, on va sentir toutes les épices, il va y avoir un punch. Les houblons, on peut mettre beaucoup de houblons comme on va voir dans l'autre bière. Oui. Dans une petite bière, puis ça va donner un punch de saveur. Donc, toutes les saveurs proviennent pas de l'alcool. Fait que l'intérêt pour les Session L, c'est de présenter le produit de cette façon-là, c'est de dire, voulez-vous être capable d'en boire plus, mais de pas laisser de côté toute l'expérience de dégustation. Ben, c'est un peu ça, parce que moi, à la base, j'étais un gars qui voulait des trucs goûteux dans, quand j'ai commencé à prendre de la bière, parce que moi, j'ai jamais bu, pour vrai, dans ma vie, de la Molson, puis ces affaires-là, dans ma vie, c'est déjà arrivé, j'en goûte une, là, mais dans ma vie, j'ai commencé à boire de la bière tard, quand les microbrasseries, justement, quand la barrique a ouvert ici. C'est vraiment dans cette période-là que j'ai commencé à m'intéresser à la bière, parce que je me suis dit, OK, ça peut être bon, une bière, tu sais. Ben, pour vrai, à la base, c'était ça, parce que moi, je trouvais qu'une bière, ça goûtait le cul à la base. Pour vrai, de la Molson puis des petites blondes comme ça, je trouvais que c'était comme, pourquoi tu bois ça? Dis-moi pas que c'est bon, là. Dis-moi pas que quand tu le goûtes, tu fais wow. Tu sais, fait que c'est parfait aujourd'hui que tu me montres que justement, il y a des trucs qui sont justement à 4-5% et qui sont pas comme je te disais, sans saveur, sans goût, sans caractère. Moi, j'aime ça quand il y a du caractère dans une bière. Fait que c'est parfait pour moi. Ah ben tu vas voir, ça va être deux mondes, celle qu'on vient de boire puis l'autre qu'on a là, puis ça va te montrer que même dans les petites bières, on peut faire n'importe quoi. Là, ce qui est justement, au lieu de s'en tenir au style traditionnel, les brasseries se sont mis à faire tous les styles qui existent, mais en version petite, comme on a vu des mini IPA ou des session IPA comme celle qu'on va boire. Au Cheval Blanc à Montréal, ils font une mini IPA avec du blé à l'intérieur. Donc, on a une espèce de petite bière blanche houblonnée. Comme je me rappelle pas qui fait, je pense que c'est, tu sais, Brasseurs du Monde. En tout cas, ils font des Scotch Ale à 4-5% aussi. Ouais, ça s'appelle une Scottish Ale. Dans okay. le fond, même traditionnellement, si on regarde le programme de certification de la bière, ouais. On voit que le style Scottish est différent du style Scotch Ale. Okay. Donc, il y a deux, trois variantes. Il y a la Wee Heavy aussi. Il y a plusieurs variantes des styles dans cette catégorie de bière-là. J'en ai bu une, justement, au Cheval Blanc avant-hier. Okay. Une petite Scottish Ale. Donc, une okay. petite bière, ils l'ont appelée la Cheval Glasgow. Donc, c'est une mauvaise appellation quand il est écrit Scotch Ale dessus, à la base. C'est un peu une... Ça te trompe un petit peu. Oui, c'est ça. Ben, en même temps, historiquement, je suis sûr qu'on retournerait en Écosse dans les années 1800, puis on verrait une petite Scottish et écrit Scotch Ale dessus. Okay. C'est que les appellations... C'est une manière qu'une majorité de brasseries qui ont utilisé la même appellation, puis là, c'est devenu la référence de style aujourd'hui. Okay. Mais eux, à l'époque, elles s'en souciaient plus ou moins, là, comme j'avais expliqué la semaine passée avec les Stout et Porter. OK. C'était un peu confus. C'est maintenant qu'on est plus stock-up, mettons. C'est un dénommé Michael Jackson. Oui. Aux États-Unis, c'est drôle à dire. Il s'appelait Michael Jackson. Puis il était sommelier en bière aux États-Unis. Il a pris tous les styles de bière à travers le monde. Il a essayé de dire c'est quoi les caractères. Puis là, il y a eu plein de programmes de certification. Puis là, aujourd'hui, on a le BGCP, qui est le Beer Judge Certificate Program, puis on a le Red Beer, qui sont comme les références en style. Le style, il existe-tu là-dedans, non? Si tu l'écris sur ta bouteille, t'es un peu spécial, okay. Mais là, tout d'un coup, si on est plusieurs à l'écrire, ça va finir par light. C'est exactement ça. Hey, mais tu parles du Michael Jackson que tu parles. Est-ce que c'est le même Michael Jackson avec la référence, parce que j'avais la légende avec la West Vleteren belge. Tu connais cette bière? Oui, oui. Bon, mais les gens disaient que c'était à cause que Michael Jackson avait trippé sur cette bière-là, puis il en avait parlé à tout le monde. Mais là, quand on parle de Michael Jackson, c'était-tu le Michael Jackson qu'on connaît, le King of Pop, ou le Michael Jackson de la bière? Non, c'est le Michael Jackson de la bière. OK. Non, mais quand même, parce que dans la légende, les gens qui connaissent pas, c'était le Michael Jackson. Oui, vraiment. Tu comprends? c'est pour ça que moi, tu m'informes. J'avais entendu ça à plusieurs reprises. Là. Je me retrouve souvent dans des événements à bière où que j'entends des gens parler de Michael Jackson, puis personne l'explique que c'est pas ça. Lui. Dites-le parce que tout le monde va partir ici en googlant. Exact. Michael Jackson, il faisait de la bière. Il trippait bière tant que ça. Ouais. Non, mais merci pour l'info. Sinon? Ben sinon, dans le fond, une autre mythe qu'on a sur les petites bières, puis qu'on voit... On voit très rarement des bières à 3,8% d'alcool qui sont vieillies. Ah, oui. On n'aurait pas tendance à penser qu'on peut la garder dans notre cellier chez nous, dans notre petite pièce réfrigérée. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des styles qui vont commencer à être faits de plus en plus puis qui peuvent être vieillis, comme la Berliner Weiss, qui est une petite bière sûre allemande. Donc, vraiment très acidulée. C'est des bières, justement, à cause du pH. Comment qu'ils vont vieillir, justement? Ils vont-tu... qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être plus acides, plus rondes, plus d'alcool? Ils vont-tu changer en taux d'alcool? Ils vont, il y en a qui pourraient changer en taux d'alcool dans le sens s'il y a des levures qui sont encore vivantes qui restent encore. À l'intérieur. Ils vont pas augmenter, ça reste tout le temps du 0.2-0.3%. Mm-hmm. Mais c'est des bières qui vont prendre plus de... Habituellement, dans une... Dans une courbe de profil d'évolution d'une bière, on va avoir une période où les saveurs dues à tous les ingrédients vont bien se mélanger. Ouais. Puis là, on va avoir, une rondeur, une cohésion ouais. Entre les ingrédients. Puis après ça, il va y avoir certains ingrédients comme les esters de levure ou les arômes. Tout ce qui est plus arôme va partir, puis il va nous rester la saveur de la céréale qui va avoir... Okay. Qui va avoir travaillé un petit peu comme dans le vin. Là. C'est les sucres puis la rondeur qui vont. OK. Ah, ben c'est bon. Puis on avait, si on veut des bons exemples au Québec, de Session Ale, ou des fois les gens disent Summer Ale, okay. Ou des saisons, qui a eu une attribution au mot saison, qui est le terme en Belgique, pour des bières qui aujourd'hui sont faites comme la saison du pont autour de 5-6%, mais traditionnellement étaient des bières de fermier à peut-être 3,5 à 4,5%. On a au Québec beaucoup de brasseries spécialisées dans ça. Si on pense, je pense que la plus vieille des qui est spécialisée dans les Session Ale au Québec, ça serait la Mère à boire. Okay. À Montréal, sur Saint-Denis, c'est des spécialités de bière tchèque et de ale anglaise. Puis on va retrouver chez eux, entre autres, le projet Elephant qu'ils appellent. Donc, ils jouent sur le paradoxe. Ils font une bière à 3,8%. Qui va être très savoureuse, puis il appelle éléphant. On peut la boire directement en casque. La pompe est magnifique. C'est un éléphant doré. Puis on se sent vraiment dépaysé dans cet endroit-là. Okay. Des plantes vertes, il fait clair. On se sent vraiment comme en République tchèque. Où, OK. C'est cool, ça donne le goût d'y aller. Puis on boit une bière à 3,8% à la pinte. Tu peux passer l'après-midi-là à essayer de vider le casque. Puis t'es encore correct. Tu tiens droit. C'est délicieux. Sinon, on a un brasseur qui a été formé aussi à la Mère à boire qui est revenu chez lui à Joliette puis qui a démarré l'Albion. L'Albion, c'est un petit pub anglais où on a des bières en casque aussi, donc servies à la pompe du sol par gravité. Oh! La bière est donc soutirée plutôt que tirée ou poussée. Okay. Et puis, on a beaucoup de ale anglaise. Là. Puis, on a des ale anglaises brassées selon les recettes historiques que le brasseur a trouvées dans ses recherches ici et là. Il a reproduit, par exemple, une IPA d'époque avec le mouvement de bateau et tout. Ah ouais, OK. Il a fait un porter victorien. Un porter victorien, c'était un style de porter qui était mélangé entre un keeping porter, donc un porter qui avait été vieilli, puis un jeune porter. Okay. Puis là, après ça, il blendait. Donc, on avait une bière noire, faible en alcool, rafraîchissante. Là t'es vraiment dans le plus grand paradoxe pour les amateurs de dégustation. Ça, c'est un produit qui sort une fois de temps en temps. Il l'annonce pas trop. C'est vrai pour les geeks qui veulent courir les meilleures bières du Québec. Ouais. On a ça à Joliette. On en a des bonnes aussi à Montréal, à la Mère à boire. Dans les bières anglaises Session Ale plus traditionnelles, on a aussi le Gambrinus à Trois-Rivières qui fait des petites bières anglaises très savoureuses. On a le Corsair à Lévis qui est sur le bord du traversier. Donc, c'est tout le temps le fun d'aller faire un tour au Corsair, prendre le traversier puis aller veiller dans le Vieux-Québec. Mm-hmm. C'est des belles soirées. C'est des belles soirées, certains. Sur le bateau, on n'a pas trop le mal de mer après avoir été au Corsair. Lui, il fait des Dark Mild, des Mild, des Bitter, des bières anglaises aussi. Donc, on a aussi des styles anciens comme la grissette que j'avais parlé tantôt. Ça devrait revenir aussi. Là. On trouve toujours un nouveau mot dans le monde de la bière qui sort. Style vient à mode. Tout le monde veut l'essayer. Ouais. Autant les brasseurs que les gens deviennent. Quand l'offre est là, ben, t'as le goût de l'essayer. Là. Ah ouais, absolument. Moi, je suis un peu vendu au Session Beer. C'est ainsi. Je cours pas mal ça. Surtout que vu que je suis pas mal souvent d'une microbrasserie, j'essaie de pas. Scrap. pas trop avoir la face d'un importer baltique tout le temps, puis d'un double IPA. Ouais, c'est peut-être mieux. On a plusieurs méthodes de brassage qui vont nous permettre d'avoir des saveurs sans atteindre un niveau d'alcool trop élevé. Il y en a qui vont dire tu mets moins de sucre au départ. Pas nécessairement. Tu peux mettre plus de sucre, mais mets des sucres qui vont pas fermenter dans ton ratio. Ils vont donner de la saveur. Ils vont donner de la saveur comme des sucres additionnels ou au contraire aller chercher des sucres au moment de l'empâtage. Ça veut dire que c'est quand tu mélanges ta céréale avec l'eau. Oui. Puis tu fais ce qu'ils appellent de la décoction. La décoction, c'est comme la Pilsner Urquell, qui est la Pilsner par excellence, qui a été brassée en République tchèque il y a plus d'un siècle. C'est la bière de référence pour la décoction aussi. Okay. C'est-à-dire qu'on a pris une bière, on l'a montée à une température où on a libéré des sucres. On a libéré des sucres qui ne vont pas être fermentescibles. OK. Donc, on brasse à une température plus élevée, puis on fait des paliers de température pour aller chercher les sucres qu'on veut. Donc, ça prend un petit peu de connaissance. Au début, c'est des gens qui soupçonnaient des trucs sans avoir la science. Ils ont été avec la tradition. Ils sentaient. Ils ont fait des trucs peut-être par erreur, puis après ça, ils se sont dit comment ça, la bière, elle saoule pas, puis elle est bonne. Puis là, ils ont répété ça, puis à un moment donné, les scientifiques se sont mis de la partie, puis on a de plus en plus de brasseurs qui comprennent ces... Ils ont stabilisé leur méthode, finalement. Oui. Il y a aussi les sucres maison, comme je disais, ceux qui font leur sucre. Il y en a qui vont aller chercher dans des grains de spécialité. Donc, tout le grain pâle qui correspond à peu près à 95% des recettes, a généralement des saveurs des sucres fermentescibles. Mais si on prend des grains de spécialité comme les grains chocolat, tous les grains plus torréfiés, là, on a moins de sucres fermentescibles, voire aucun. Si on prend, par exemple, des fois dans la wheat beer, qui est la bière blanche belge, on va mettre des flocons de blé. De blé, oui. Donc, du blé non malté. Puis on va atteindre... On va juste aller chercher de la saveur là-dedans. On va aller chercher du croustillant. Okay. Donc, sans aller chercher des sucres, des fois, on veut que la céréale, elle donne un côté croustillant. Puis, il y a aussi le dry hopping, qui est une bonne façon. Donc, c'est-à-dire de doublonner la bière après la fermentation, après... Ça a été beaucoup à la mode cet été, ça. Ouais, tout était dry hoppé. On avait même les bières commerciales, et ils faisaient ça, là. Oui. Ils appellent ça houblonnage à cru ou houblonnage à froid en français. C'est ça. C'est vraiment la tendance avec le avec la mode de la IPA aussi. Là, c'est ça, c'est vraiment ça fit, de l'IPA. Puis après ça, tout le monde s'est mis à dry-upper des choses, des styles de bière qui n'étaient pas IPA. Ben c'est de même que le monde évolue aussi, là, quand même. C'est pour ça que les Québécois sont rendus où ils sont en bière, quand même. C'est parce que plein de monde essaye partout plein d'affaires. Là. Bon, là, présentement, c'est ça. C'est vraiment l'exotisme. Le monde court après des nouvelles saveurs. Tu arrives à quelque part, ce que tu veux, c'est que sur le menu, il y a de tous les genres. Tu veux une bière plus traditionnelle, tu veux une bière blonde, tu veux une pale ale à l'anglaise, un stout qui ressemble au Guinness, des trucs comme ça. Tu as tout ça. Mais après ça, si tu veux essayer de quoi de plus funky, y aller avec... J'ai bu avant-hier une Wild Session IPA. Donc, quand c'était Pit Caribou en Gaspésie, ils ont fait une... Ils sont pas pires, eux autres. Ils savent ce qu'ils font, quand même. Oui, absolument. Il y avait une bière, donc, avec des Brettanomys qui sont les levures sauvages. Donc, on avait un petit kick surette. Puis, on avait du houblon en masse aussi, dans une petite bière à 4,5%. Donc, là, on avait des saveurs extrêmes dans une bière dont le taux d'alcool ne l'est pas. Oui, c'est ça. C'est assez particulier, tout à fait. Wow! On goûte un monde. On va goûter à ça. Je pense que je l'ai déjà goûté il y a quelques années, peut-être 2 ans, 1 an ou 2, avec la barrique ici même, quand on faisait des petites chroniques. Puis en ce moment, oups, on va y aller doux, pas trop ces machines. Ils ont soif, on va swatcher avec ça. Oui, tantôt, je checkais pour le fun pendant que tu parlais, j'ai juste été voir. Là, elle est disponible, par exemple, parce que vous autres, d'habitude, vous embouteillez pas autant d'une pinte. Non, c'est ça, nous autres, on vend juste sur place. Ça, c'est une bière en brassin collaboratif. Ben, c'est ça, mais question comme ça par rapport, est-ce que vous pensez m'amener embouteiller ou non, ou mettre en canette ou en canet ou peu on importe. On aimerait ça avec certains produits de spécialité éventuellement. Okay. Oui. Okay. Là, on se concentre sur... pour aller... Mais c'est un projet qui n'est pas à off, mettons. Non, okay. Vraiment pas. C'est dans notre intérêt. Puis, là, d'ailleurs, on trouve des projets comme celui-là qui nous intéressent où on peut s'impliquer puis vendre nos produits. Puis, voir un peu comment le marché répond puis tout ça. Ouais. C'est ça qui celle-là est le fun. Ici, c'est la bière test, donc elle n'est pas en vente. Okay. Mais à l'hiver, on va brasser notre bière avec les mêmes brasseries. Puis notre but, c'est de la présenter au grand public. Là. Génial. Ouais. Sinon, ici, la bière, oui. Que la Session IPA, tu disais, t'avais goûté. En fait, ils font celle-là, c'est leur recette nouvelle de l'année. Okay. Mais il y avait la Yakima IPA du Castor, que ça fait 2-3 ans, que ça fait fureur. Vraiment puis fruité. Puis ça, c'est leur petite version, okay. Si on veut, de ça. C'est leur version Session. OK, ben moi, c'est ça. J'avais peut-être goûté à, t'as peut-être à 6-7, là. Oui. C'était leur IPA qui est comme la top IPA au Québec, présentement, pour bien du monde. Oui, vraiment, pour bien du monde. Ah, c'est fruité, ça sent le bonheur. Hein? Oui. C'est très différent de l'autre. Disons, ça... OK. Aurais-tu dit à peu près c'est quoi celle-là? En mettons, si on essaie de deviner combien de pourcents? Ben là, toi, tu me l'as dit tantôt que c'est une petite, là. Mais c'est quoi, 4, 5? Ouais, 4.3. OK. Ben, mais c'est assez hallucinant. Et puis, je trouve pas qu'elle goûte ce qu'elle sent. Quand même, je trouve qu'elle est surprenante au goût, quand même, hyper rafraîchissante là. Ouais, ben on reste dans les IPA, mais on a une petite bière. Mais pourquoi aller C'est particulier parce que d'habitude avec les IPA, quand t'as cette amertume là, justement t'as l'alcool qui vient à côté, tu sais. Mais là, ça glisse tout doux. C'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. C'est dangereux, mais en même temps, moins, finalement. Ouais, exactement. Ouais, mais tu sais, comme tu dis, il y en a, par exemple, qui vont vouloir atteindre l'ivresse quand même. Oui, absolument. Il y en a qui vont chercher ça, mais... Il y en a. Les sessions, là, si on repart historiquement, oui. C'était des périodes pour les travailleurs. C'était pendant la guerre, la Première Guerre mondiale. Puis ils buvaient ça. Il y avait un break de 11h à 3h, puis après ça, ils recommençaient à travailler. Puis il y avait un autre break de 4h avant de retourner à la maison. Mais il y avait comme deux trois périodes dans la journée avec quelques heures, mais des petites périodes pour boire de la bière. Puis il allait à la taverne, puis il voulait pas rentrer, puis se faire dire qu'il travaillait pas assez. Mm-hmm. Fait qu'il buvait ces petites bières-là, mais ça prenait des bières savoureuses. Moi, quand je fais une session, j'appelle ça même, on fait une session, mais moi, je m'en vais m'accrocher les pieds souvent à l'Albion, à Joliette, puis le dimanche, parce que ma blonde vient d'être là. OK. Puis je m'assois là, puis je prends 4 pintes, là. J'en prends pas 18, parce que l'intérêt de prendre... L'intérêt d'y aller avec une session ale, c'est que tu veux c'est pas tuer. Fait que si tu... Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est avec le goût qu'elle a, là. Ben, c'est ça. Quand t'as une bière savoureuse comme ça, t'arrives à satiété beaucoup plus vite. Mm-hmm. T'arrives à ta satisfaction plus rapidement que si tu bois de l'eau minérale. Donc, un petit peu, oui. Tout à fait. Vraiment, wow. Ça, c'est quelque chose de très, très bon. Mais personnellement, moi, j'aimais mieux ton autre. Mettons, je sais qu'on n'est pas là pour critiquer, là, ouais, mais oui. J'aimais mieux ta Rushdale quand même. Ah oui? Ouais, parce que moi, à la base, IPA, j'aime ça, mais c'est pas mon type. Pas en tout. Tu sais, à la base, l'IPA, c'est pas mon type de bière. Ouais. J'aime mieux les trucs qui sont ronds, qui sont... tu sais, puis c'est ça, des fois, avec des amis, tout le monde, ça arrive avec des petites bières. Moi, c'est tout le temps des... Je me retrouve des fois un peu plus magané que les autres, de bonheur. Mais avec ça, c'est génial. C'est pour ça, tantôt, je te dis, on dirait que c'est carrément pour moi, là, c'est pour m'apprendre à boire. À boire des trucs un peu moins forts en alcool. OK, c'est pas mal ça? Oui, absolument. Merci beaucoup. Puis, on va dire, juste pour le fun comme ça, il y a une petite conférence contre la fluoration de l'eau à Trois-Rivières mardi. Oui, c'est organisé par Philippe Giroul et puis tout le regroupement contre la fluoration de l'eau à Trois-Rivières. Puis, il y a une petite prestation du musicien Claude Vonin aussi à cette soirée-là. Ça se passe au deuxième étage lundi soir à 19h, donc vous pouvez venir nous voir. Parce que justement, prendre une pinte en même temps. Prendre une pinte, le temps qu'il n'y a pas de fluor dedans. C'est ce que je m'en allais dire pour les brasseurs. Personne ne veut ça? Non, ben personne ne le veut, mais on avait fait un petit topo qui avait été médiatisé là-dessus. Okay. Puis nous, dans le fond, on a fait nos recherches. Ouais. Ce qui arrive dans les villes où il y a de la fluoration, ou pour les brasseurs maison qui ont brassé avec de l'eau fluorée, il y avait... Je dirais une fois sur 200, il y en a un qui, sur 10 qui disait qu'il y avait une odeur de... Il avait fait tout son brassin oui. correct, puis il y avait une odeur de d'œuf ou de, okay. de trucs comme ça. Puis ça, d'une façon comme d'une autre, nous autres, ça nous coûte un filtre supplémentaire oui. le jour où ils mettent du fluor. Ouais, j'ai oui. des amis qui travaillent dans le traitement des eaux puis qui nous disent qu'ils sont pas contents de travailler avec ça ben parce non. que c'est dangereux. Ça brise les machines aussi. Ça brise les machines. Ça doit les briser les poumons aussi, pas ouais. peu. Puis c'est inutile. En tout cas, toute cette cause-là, nous autres, on les appuie. Ils sont rendus quand même loin là, dans, leur, ouais, oui. dans leur démarche. Puis... tous les brasseurs, on se dit, ben si on peut éviter de mettre des cochonneries dans notre ben, le moins rien. De trucs possible, tu sais, c'est ce qu'on dit, que ça soit bon ou pas, parce qu'il y a des écoles qui disent que ça serait bon, là. Ouais. Mais de l'eau, tu veux qu'elle soit juste pure, tout simplement. T'sais, tu rajoutes rien dedans. C'est ça, mais si c'est bon pour les dents, je pense qu'un envoi de pâte à dents dans le Publisac va faire l'affaire. Oui. En tout cas, hein, brossez-la, justement. Avant tout, brossez-la. Hey, merci beaucoup, Alex. Puis on va te voir au temps d'une pinte n'importe quand. Oui, merci. Merci à toi. On se rejase jeudi prochain. Merci beaucoup. Bye.